si ça va pas fort, c'est à cause du glyphosate. C'est le Roundup attitude. J'ai pris tant de glyphosate que je titube. C'est le Roundup attitude. C'est plus fort que la coke ou que la merde en tube. Du Roundup partout dans ta vie, dans les champs et en toi aussi. Oui, même dans ton pipi. C'est le Roundup attitude. On a tous en nous quelque chose dans nos vessies, comme du poison qui donne des maladies. L'exil fiscal n'empêche pas la tumeur qui nous oblige à aller au docteur. Quelque chose dans nos vessies. On est plein de glyphosate, merci qui? Dadou Roundup, Dadou Roundup. Merci Monsanto, merci les lobbies. Dadou Roundup, Dadou Roundup. Partout dans les sols et dans l'eau, en nous on trouve du glypho. Après il faut pas s'étonner qu'on a popo. Dadou Roundup, Dadou Roundup. Que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe. Quand tu viens désherber avec du Roundup le blé, attention pas le blé que je gagne, mais celui de la campagne. Je serais doublement méfiant si je m'appelais Didier Deschamps. Et comment espérer bien faire quand le ministre s'appelle Travers? Que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe. Que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe. Allumez l'affreux, allumez l'affreux. Monsanto et tous les autres gros dégueux. Allumez l'affreux, allumez l'affreux. Monsanto et toutes les associations qui lui sont rattachées bombardaient la Commission européenne, Juncker lui-même, de lettres, parfois de menaces, de traîner la Commission en cours de justice si jamais une décision n'est pas prise. Ces menaces de procès ou ces pressions permanentes, les fonctionnaires européens sont tétanisés. Ils ont une peur bleue de se retrouver en procès. Donc c'est vraiment une situation extrêmement tendue à Bruxelles en ce moment. On est dans un moment politique très important parce que Monsanto, dont le produit phare s'appelle le Roundup, qui est à base de glyphosate, attend l'autorisation, le renouvellement de sa licence pour 10 ans pour ce produit, pour tous les produits à base de glyphosate. Le feuilleton du glyphosate vient de connaître un nouvel épisode. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, avec le vote du Parlement européen, que dit ce vote? Quelles en sont les conséquences? Après moult amendements, oui. Qu'il y aura interdiction du glyphosate dans 5 ans. Ce qu'il ne faut pas imaginer, c'est un monsieur en costume cravate qui prendrait rendez-vous avec le président de la Commission ou avec le commissaire à la santé à Bruxelles et qui lui dirait « Je suis le représentant de Monsanto et vous devez autoriser le glyphosate ». C'est pas comme ça que ça se passe. Tout ça se passe en coulisses. La plus forte action de Monsanto et le cœur de sa communication et de son action lobbying, c'est sur les expertises scientifiques. C'est pour ça que Monsanto ne répond jamais en direct, il se retranche derrière la science. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsanto, avec les moyens qu'il a, peut embaucher les meilleurs toxicologues du monde et payer le plus grand nombre d'études. Donc, ils ont des dizaines et des dizaines d'études qui prouvent que le glyphosate ne présente pas de danger. À côté de ça, Monsanto avait réussi à décrédibiliser toutes les études qui ne leur étaient pas favorables. favorable. Aujourd'hui, ils ont une action très forte contre ce centre international contre le cancer lié à l'OMS, qui a dit que le glyphosate était un cancérigène probable, pour décrédibiliser ce centre. En coulisses, ils ont essayé, Monsanto, d'actionner tous leurs relais, au sein notamment de l'administration Trump, pour faire en sorte que ce centre, le CIRC, il s'appelle, n'ait plus de fonds. La Commission européenne, pour décider, s'en remet à une autorité sanitaire, l'EFSA. Et l'EFSA a, elle, une manière très particulière de travailler. Elle ne prend, pour se faire son avis, que les études publiées par les industriels. L'EFSA a conclu que, d'après lui, le glyphosate n'était probablement pas cancérigène, mais il y a quelques semaines, une ONG autrichienne a découvert que, dans l'avis de l'EFSA, il y avait des pans entiers qui avaient été repris sans le moindre commentaire, sans le moindre nuance, d'un rapport fourni par Monsanto lui-même, avec des études qui il avait payé. Et pour le Zoom de ce soir, nous recevons le professeur Dominique Belpomme. Bonsoir monsieur, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonsoir. Alors pour vous présenter, vous êtes cancérologue, président de l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, l'ARTAC, et vous dirigez également à Bruxelles l'ESERI, l'Institut européen de recherche sur le cancer et l'environnement. Alors vous venez aujourd'hui sur ce plateau pour nous présenter votre dernier ouvrage qui est paru en avril dernier, « Comment naissent les maladies ?» Et que faire pour rester en bonne santé? C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous aviez déjà fait publier d'autres ouvrages, notamment Ces maladies créées par l'homme chez Albin Michel. Alors votre ouvrage, cet ouvrage justement, Comment naissent les maladies, peut être considéré comme révolutionnaire, même si vous l'aviez déjà évoqué dans celui que j'ai précédemment cité, dans la mesure où, contrairement à ce que dit la médecine générale, entre guillemets, vous considérez que 80 à 90% des cancers sont dus à l'environnement. Oui, ce que je disais en 2004, lorsque j'ai écrit le livre « Ces maladies créées par l'homme », c'est qu'effectivement, le cancer, lorsqu'on analyse les données toxicologiques et épidémiologiques, eh bien, il apparaît clairement qu'un grand nombre de cancers sont liés à la dégradation physique, chimique ou biologique de notre environnement. Mais à l'époque, je n'avais pas, en dehors des données épidémiologiques et toxicologiques, je n'avais pas de preuves suffisantes pour établir de façon quasi certaine que le cancer est une maladie liée à la dégradation de l'environnement, et notamment à la pollution chimique. Là, nous apportons les preuves grâce à des travaux récents qui ont été effectués dans le domaine des cellules et des molécules qui sont dans nos cellules, et qu'on regroupe sous un terme un petit peu difficile à percevoir, mais qui est l'épigénétique. Là aussi, c'est une révolution au plan cellulaire et moléculaire, surtout moléculaire, qui permet maintenant d'expliquer le lien de causalité entre des agents présents dans l'environnement, tels que des rayonnements, des produits chimiques, des microbes, et l'apparition des cancers. Or, ce qui est nouveau dans ce livre, il y a non seulement les aspects, donc maintenant, quasi certains au plan scientifique, des liens de causalité entre l'environnement et les cancers, mais également, c'est applicable à l'ensemble des maladies, à l'ensemble de la pathologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un conceptuel en matière de santé publique et de médecine en particulier, tout à fait révolutionnaire. Alors, on a compris que l'important, c'était vraiment l'environnement. Peut-être qu'il faut définir ce terme pour que l'on comprenne bien ce que vous mettez derrière. Qu'est-ce que l'environnement? Ce n'est pas uniquement, j'imagine, les petits arbres, la pollution et l'air. L'environnement, il faut le voir, si vous voulez, sous deux aspects. Il y a ce qu'on peut appeler l'environnement matériel, qui est essentiellement la nature, d'une part, mais également ce que l'homme apporte dans cette nature, avec donc des produits chimiques, des rayonnements artificiels, et puis les microbes naturels étant en quelque sorte modifiés par nos activités industrielles notamment, ou agricoles. Donc il est clair que ça, c'est l'environnement matériel. Et cet environnement matériel, il est évident, intervient causalement dans l'apparition du cancer et des autres pathologies. À côté de l'environnement matériel, il y a l'environnement immatériel, c'est-à-dire qu'il va être essentiellement l'environnement sociétal, la façon dont s'organisent les êtres humains entre eux. Et là, effectivement, nous touchons dans le domaine neuropsychologique, et là, il y a également une participation neuropsychologique à l'apparition d'un certain nombre de maladies, tout en sachant que les causes matérielles sont prioritaires, sont prédominantes dans l'apparition des maladies. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur qu'en expliquant que l'environnement était responsable d'une telle proportion de cas de cancer, la prévention liée au comportement à risque soit finalement anéantie, puisque quelque part, vous expliquez, vous respirez de la pollution, vous mangez des pesticides sans le savoir, donc ça vous donne le cancer, après tout, c'est plus boire ou fumer qui change grand-chose. Il faut absolument distinguer les facteurs de risque tels que le tabagisme ou l'alcoolisme ou les déséquilibres de régime alimentaire des causes réelles du cancer et des maladies en général. Pour ce qui est du tabagisme, le tabagisme en lui-même est un facteur de risque. On sait pertinemment que trop fumer ou fumer de façon trop prolongée et un trop grand nombre de cigarettes chaque jour va être la cause, va être un facteur de risque associé à l'apparition de cancers ou des pathologies cardiovasculaires, par exemple. Mais ce ne sont pas les véritables causes. Les véritables causes, c'est, si vous voulez, la présence de produits chimiques qui résultent de la combustion du tabac, qui se retrouvent dans les fumées et dans les goudrons liés au tabagisme. Donc, et là, on a pu mettre en évidence des produits chimiques cancérigènes ou créateurs de maladies cardiovasculaires, en particulier d'athérome, qui est une pathologie commune à un grand nombre de cardiopathies. Ça, ce sont les véritables causes. Donc, très souvent, on mélange les deux et c'est une erreur profonde. Ce que ce livre tente de démontrer, c'est que à côté des facteurs de risque classiques qu'on ne remet pas en doute, il existe des causes réelles que le discours médical ambiant ne met pas en évidence. Et vous avez raison en disant que cela pose un problème compte tenu de l'importance, de la diversité, de la diffusion de ces agents polluants dans l'environnement. Et c'est toute la problématique de la prévention qui se trouve posée. Prévention au niveau des facteurs de risque, pas de problème. Bien sûr qu'il faut continuer la lutte contre le tabagisme, contre l'alcoolisme et manger de façon variée et équilibrée. Mais la lutte contre ces facteurs de risque-là est insuffisante pour ce qui est du cancer et des autres pathologies associées à ces facteurs de risque. Il faut aller à la source de la pollution et c'est là le véritable problème qui doit se faire dans le cadre d'un nouveau type de prévention que j'ai appelé la prévention environnementale et qui est d'ailleurs reprise par d'autres, je dirais, dans d'autres pays actuellement dans le monde. Il est évident que aux préventions classiques, il faut y associer la prévention environnementale. Alors, on a vu donc toutes ces infections, toutes ces pathologies. Comment expliquez-vous que, vous l'avez touché du doigt tout à l'heure, comment expliquez-vous que les pouvoirs publics continuent à multiplier les campagnes de prévention, mais paradoxalement, quand je dis les pouvoirs publics, c'est également les pouvoirs politique. On voit par exemple qu'au niveau européen, on souhaite lutter contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, mais pour autant, on vient encore une fois de reconduire l'autorisation pour le glyphosate, c'est-à-dire le pesticide de Monsanto dans le Roundup. Oui. Ben, si vous voulez, c'est le véritable combat actuel qu'il convient de mener. Scientifiquement, les choses sont tout à fait claires aujourd'hui que lutter contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, contre les déséquilibres de régime alimentaire, une lutte, un combat qu'il ne faut absolument pas négliger. Mais en tout cas, on est certain au plan scientifique que ça ne sera pas suffisant pour juguler les fléaux de santé publique qui représentent le cancer notamment et les deux affections, obésité et diabète de type 2, qui lui sont associées. Donc, c'est vrai qu'il y a un décalage entre les données scientifiques qui sont, si vous voulez, maintenant incontournables. Je dis maintenant, c'est une certitude, c'est plus qu'une quasi-certitude au niveau scientifique, et le pouvoir politique ou administratif, que ce soit en France ou en Europe. Bon. Tout simplement, l'explication est claire, c'est que, si vous voulez, il y a l'interférence des lobbies qui sont extrêmement puissants, et aujourd'hui, si vous voulez, on est un peu dans la même situation dans laquelle était Pasteur à son époque, lorsqu'il décrétait que les infections étaient liées à des microbes. La seule différence, c'est que du temps de Pasteur, on acceptait l'idée que les microbes étaient naturels, étaient dans l'environnement naturel. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, car le problème, il remet en cause les activités humaines, et à partir du moment où on remet en cause les activités humaines, que ce soit l'agriculture avec l'utilisation des pesticides ou la mise sur le marché de produits chimiques extrêmement toxiques tels que les polychlorobiphényles ou le biphénol A ou d'autres substances chimiques encore, il est clair que là, le problème médical proprement dit devient sociétal, et à partir du moment où il est sociétal, il devient politique. Donc c'est la raison. Non, mais la vraie question finalement, c'est est-ce que les pouvoirs politiques ont véritablement envie de lutter contre ce phénomène environnemental que vous décrivez bien, ou est-ce que finalement la loi du lobby a raison ? Mais si vous voulez, bien sûr que je pense qu'un certain nombre de politiques sont conscients de ce qui se passe, mais que comme ils ont une vision à court terme, ils remettent à plus tard la véritable révolution politique, celle-là qui consistera à réduire la pollution à sa source et avoir des activités industrielles régulées, si vous voulez, tenant compte de la facture sanitaire que nous payons aujourd'hui et que nous paierons de plus en plus demain. Donc il est clair que c'est une véritable révolution sociétale dont on a besoin aujourd'hui, et il est clair que cela va prendre du temps, mais malheureusement, si vous voulez, les dégâts seront là, la facture est déjà payée, elle sera encore plus grande dans les années à venir, et si nous n'arrivons pas à régler ce problème-là sur des données, à partir de données scientifiques qui sont aujourd'hui devenues incontournables, je me répète, eh bien c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu, et y compris à terme l'avenir de l'espèce humaine. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons proclamé dans l'appel de Paris de 2004, il y a donc une dizaine d'années, signé par des milliers de scientifiques internationaux. Malheureusement, ils ne sont toujours pas écoutés parce que les intérêts économiques et financiers, les lobbies qui supportent ces intérêts-là sont extrêmement puissants aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il va falloir changer complètement de façon de voir les choses et mettre, si vous voulez, l'économie, l'industrie au service des valeurs humaines, de la santé, de l'environnement, donc de l'homme, et non pas l'inverse, ce qui se fait aujourd'hui, c'est dire que nos valeurs humaines, la santé et l'environnement sont au service d'un dogme économique qui nous dit toujours produire plus, voilà. Et ce message-là doit être adressé à la société civile en général, à votre public en particulier, parce que c'est probablement de la société civile qu'un espoir pourra naître. Une véritable révolution conceptuelle tout au moins, car si nous n'avons pas ce contre-pouvoir de la société civile, je crains fort que malheureusement nous allions vers un avenir extrêmement compromis. Micro ouvert. Voilà. Bonjour, Graciela. Bonjour, Franz. comment on va depuis la dernière fois ? Tu sais, il y a des hauts et des bas. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut rien prévoir, puisque en un jour, tu as vraiment, comme, un petit peu comme le temps en Belgique, tu as les quatre saisons, quoi. Donc, tout ce qu'on peut connaître comme fatigue, comme découverte d'une nouvelle petite énergie qui remonte, comme retombée, comme enfin plein de choses. Et donc les jours ne se ressemblent pas. Et on va peut-être alors recontextualiser un peu les choses, hein. Donc toi, Franz, je te rencontre via dans la vie. C'était dans le resto de Fouad à Saint-Gilles, le Petit Beurre, qui fait de la super bonne bouffe. D'ailleurs, tu étais un habitué, toi. Oui, Fouad, encore avant-hier, il m'a dit « Tu me manques, tu dois revenir très vite. » Comme oui, je ne pourrais pas venir très vite, mais j'aime bien le restaurant, j'aime bien le coin, la cuisine, Fouad aussi, il y a une bonne ambiance. Et on était assis l'un à côté de l'autre, et comme bonne journaliste, tu as senti quelque chose, ou je ne sais pas. Je ne suis pas journaliste, Franz, sache-le. Hein. Ah, mais tu as quand même commencé à me poser des questions, j'ai dit, tiens, elle va directement vers l'essentiel, Graciella. Et puis on a parlé, on a eu un bon contact et on s'est fixé rendez-vous pour une interview à la radio. Oui, mais pour parler aussi, parce que tu avais quelque chose aussi de toi à présenter, hein, parce que sinon parler avec les gens, moi je le fais régulièrement, mais tu avais aussi une histoire. Tu es un professeur, tu as été professeur et après avoir été professeur, tu as écrit un livre, je me trompe. Oui, non, c'est comme ça. Et puis en plus, j'étais responsable des mouvances bouddhistes en Belgique et un peu partout en Europe. Et puis, à un certain moment, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'avais passé mon temps à donner des conférences partout dans le pays et même à l'extérieur, et sur le bonheur, l'art de vivre et tout cela. Et puis, à un certain moment, une nuit, je respire plus, je tombe par terre. Heureusement, mon voisin d'en haut appelle l'ambulance et je me retrouve le lendemain matin avec 3 stents dans mon corps. 3 stents? Oui. C'est des petits machins qu'ils mettent dans les artères, tout près du cœur, pour faire passer le sang, parce que apparemment mes artères étaient polluées. Ça m'a tellement choqué. Je dis, mais c'est incroyable, comment est-ce qu'on peut combiner ma philosophie, mes convictions, et puis quand même vous constatez que le corps ne suit pas, il y a quelque chose qui cloche. Donc dans mon lit, j'ai envoyé une lettre à toutes les organisations dans lesquelles j'étais active, et pour dire j'arrête. J'arrête parce que je veux creuser ça. Et puis finalement, j'ai constaté que, en effet, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un décalage entre la vie professionnelle et ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas tenir très longtemps ce grand écart. Donc il faut vraiment veiller à ce que les convictions, ce qu'on dit, correspond aussi à la vie du corps, aux relations que l'on établit avec autrui. Donc moi, j'ai constaté que j'avais une compréhension parfaite, parce que j'ai publié 7 livres sur le bouddhisme, du bouddhisme, mais que je ne l'avais pas appliqué à moi-même. Et donc d'abord, on a un peu honte, parce qu'on se dit, t'es Mister Bouddhisme pour la Belgique, mais t'as rien fait. Et donc, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « t'as rien fait » Le plus important, c'est pas d'être sur les podiums pour pérorer sur l'art de vivre. Pourquoi tu sentais que tu faisais ça, toi, Franz? J'étais quand même choqué de constater que je devais passer par l'hôpital et par une constatation au niveau de ce corps sublime dont on dispose et qui apparemment n'était pas sain. Et donc, je me dis, je vais maintenant avoir l'humilité d'accepter ce message, parce que chaque un accident, une maladie, quelque chose qui ne va pas, c'est un message sur un dysfonctionnement. Et comme on dit, maladie, si tu mets des traits d'union entre chaque syllabe, c'est le mal à dit. C'est quelque chose qui ne va pas, qui te dit quelque chose, qui te donne un message. Donc, j'ai accueilli ce message en toute humilité. Et j'ai commencé à analyser mon esprit, mes relations, et à appliquer en fait un petit peu tout ce que je savais à ma vie. Et ça m'a aidé beaucoup les années d'après. Et donc c'est cette histoire en fait que je raconte dans le petit livre « Accueillir le monde avec courage et cheminer en conscience ». Et c'est sur ce petit ouvrage que nous avons parlé l'autre jour. Oui, que tu es passé au Campus Info, l'agenda du vendredi soir, où voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis... le temps passe, c'était au mois de septembre 2017, donc il n'y a pas non plus longtemps, puisqu'on est au mois de janvier. Et puis, paf, qu'est-ce qui se passe? Franz, on apprend, en tout cas moi, j'apprends que tu avais le cancer. Est-ce que tu savais déjà que tu avais le cancer quand on s'est vu avec le bouquin? J'étais malade. J'avais de fortes douleurs dans le dos et dans les intestins, je ne dormais plus. Et je suis allé voir un médecin et qui m'a tout de suite envoyé vers un spécialiste qui lui a dit, ben, « Monsieur, vous avez le pire des cancers, le cancer du pancréas, qui est un cancer sournois, qui ne se montre pas. Et lorsqu'il explose, il est trop tard. » Donc, nous ne pouvons pas vous guérir. Vous avez 3 mois à vivre. Et voilà. Et si vous faites chimio, vous avez quelques mois en plus. Moi, j'étais cloué à ma chaise. Et... T'as quel âge, Franz ? Moi, l'année prochaine, j'aurai 70 ans, mais j'ai un cœur en bonne santé, je me sens toujours comme un jeune garçon. Mais là, c'était un message tellement sombre et oui, destructeur aussi, parce que quand tu entends ces paroles des médecins, tout est noir. Toutes les portes sont fermées, c'est asphyxiant. Tu ne trouves nulle part une petite étincelle pour remonter le moral. Donc, tout le parcours que j'ai parcouru, c'est grâce au travail que j'avais fait les années avant, heureusement. Donc, je vois vraiment une logique dans ce qui se passe dans ma vie maintenant. Et donc, j'ai dû vraiment extirper jusqu'à la racine toutes ces paroles qui découragent, qui te condamne en fait. Et je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Et donc, au début du cancer, on est vraiment collé à son corps de souffrance. On ne peut pas faire autre chose, tu ne peux pas prendre d'autres initiatives, tu es vraiment en plein dans la souffrance. Et petit à petit, je me suis dit, oui, mais le corps, c'est une chose, mais tout est quand même dirigé par l'esprit. Et donc, je vais utiliser ma conscience, mon esprit, cette force pour sortir petit à petit de cet entourage et cette ambiance de cercueil pour aller vers autre chose. Et tu passes à travers différents stages, phases. Il y a donc d'abord la souffrance, le désespoir, la révolte, la tristesse, tout ça. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que l'esprit prend le dessus, tu vois que on commence à respirer, on commence à se créer des perspectives, on commence à se dire, indépendamment des statistiques, il y a des gens qui guérissent, il y a même des miracles qui se produisent. Donc, peu importe, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que cette condamnation. Il faut voir le vocabulaire que l'on utilise dans la médecine occidentale. On parle de tumeur. Tu meurs. Donc, c'est lugubre. Et petit à petit, bon, tu entres dans une phase où tu constates que l'esprit est plein de pensées, d'inquiétudes. C'est des paquets de nuages qui passent à travers la conscience. Mais heureusement, j'ai pu... Je me suis toujours souvenu du poème de Baudelaire où il parle des nuages qui passent et donc des méditations aussi sur l'impermanence où tu vois que tout passe en fait. Il n'y a rien qui reste, il n'y a rien qui est solide. Donc tout passe. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis tout passe ? Tout passe, ça veut dire que c'est une erreur fondamentale et la source de beaucoup de malentendus et de misère que de s'imaginer qu'une situation, une personne restera toujours comme elle est maintenant. C'est pas vrai. Dans le sens positif ou négatif, quoi, c'est ça que tu veux dire? Oui. C'est pas un jugement. C'est tout simplement qu'il faut savoir que tous les 7 heures, on a d'autres sang dans les veines, que tout notre corps se réinvente tout le temps. Et que, comme on dit, les riches deviennent pauvres, les pauvres deviennent riches. À toute allure, les choses changent. On le voit dans la politique, on le voit partout. Donc, ça, c'est un message. Le Bouddha a dit la plus grande empreinte est celle de la patte de l'éléphant. La méditation la plus puissante, c'est celle sur l'impermanence. Donc, sur le fait que les choses se transforment, évoluent, changent, et que donc, on n'a pas raison de vouloir s'accrocher à quoi ou à qui que ce soit, puisque tout est fluide et tout passe à travers nos doigts. J'ai utilisé cela pour voir, ok, c'est de nouveau une phase, tous ces pensées, ces inquiétudes, pendant la nuit aussi, pas des cauchemars, mais quand même t'es occupé, quoi, assailli par toutes sortes de raisonnements et de scénarios. Et puis après, petit à petit, on voit que s'installe un peu plus d'espace. Et c'est là que ça devient intéressant alors. C'est là que tu peux petit à petit disposer de ton libre arbitre et du choix qui est le tien et pas celui des médecins ou des membres de la famille ou des dizaines de personnes qui t'envoient toutes sortes de produits miraculeux qui guérissent le cancer. On est inondé par de bons conseils, hein. Les gens le font pour aider, mais on ne peut rien faire de tout cela, bien sûr, dans la situation où on est. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne voulais absolument pas faire de chimio. Parce que j'avais entendu tellement d'histoires terribles sur les effets secondaires. Je me dis, moi, je ne vais pas détruire mon corps. Je ne veux pas. Donc, pendant 2 semaines, j'ai dit au médecin, je ne le fais pas. Je vais faire une cure de jus de légumes et tout ça. Puis j'ai vu que cette cure m'a aidé, mais la force ne revenait pas. Donc j'ai dit, c'est pas complet tout ça. Et puis quelqu'un m'a fait lire un forum de patients de cancer de pancréas, où tu lis l'histoire d'une maman avec son petit enfant qui dit « Moi, je ne pourrais pas vivre sans mon mari. » Et qui, 6 mois après, dit « Mon mari est toujours là. » Et 1 an après, « Elle est toujours avec moi. » Donc, des réussites, quoi. Et alors, je me suis dit « Quel est le cœur même du bouddhisme ? » Qu'est-ce qu'il faut retenir si on oublie tout du bouddhisme? Quelle est l'essence même? Et pour moi, c'est la flexibilité de l'esprit, la souplesse d'esprit. J'ai dit, Franz, si c'est ça, la souplesse d'esprit, ça veut dire qu'on a le courage de revoir ses convictions. Donc, tu ne voulais pas faire la chimio. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Et alors, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que je sentais que condamner complètement la médecine occidentale, c'est un extrémisme comme un autre. Qu'il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de bonne volonté de la part des médecins, toute une longue tradition où les choses se sont perfectionnées et que donc je pouvais tout aussi bien, même s'il s'agit d'une approche très agressive, contrairement aux approches orientales, je pouvais l'incorporer dans l'ensemble des traitements que j'avais acceptés. Mais j'imagine aussi, c'est parce que tu avais mal, que tu voyais que ça prenait peut-être plus d'ampleur chez toi, que tu t'es dit, on va quand même peut-être essayer cette chimio. Aussi. Et donc, on a commencé, et depuis le premier traitement, déjà les douleurs avaient disparu. Donc j'étais très content. Je n'ai pas trop souffert des effets secondaires, si ce n'est des trucs comme... tu perds beaucoup, hein. Tu perds l'équilibre, tu perds tes muscles, tu perds le goût et tout ça. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Comparé à des personnes qui sont malades toute la journée, qui doivent vomir tout le temps, etc. Donc, je me considère vraiment comme un privilégié. Et dans ce sens-là, j'ai maintenant eu une première série de 6 traitements chimio. Et puis après, il y avait un scan pour voir quels étaient les résultats, quoi. Donc, entre-temps, j'avais choisi la vie, mais complètement dans mon esprit. Je dis, même si on dit que c'est incurable, même si on dit que dans le meilleur des cas, tu seras toujours sous traitement chimio et normalement, tu devras mourir bientôt, moi, je choisis la vie. Alors, que s'est-il passé? Il y a une femme chamane qui m'envoie chaque soir à 10 heures de l'énergie guérisseuse, guérissante. Sur le réseau social, alors, c'est ça, pour qu'on comprenne un peu. T'as un contact avec une chamane via le réseau social. Oui. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des pensées positives, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et ça me soutient, ça me nourrit vraiment. Donc ça, c'est... si on pouvait en parler aussi un petit moment, c'est un des grands messages de ce parcours de ma vie, c'est la découverte de l'amour. Mais donc, s'est-il passé une nuit, un soir, elle reçoit le message, tu dois lui envoyer le mot « vivre ». Et elle se pose la question, qu'est-ce que je dois envoyer le mot « vivre » à Franz ? Elle le fait, et en plein milieu de la nuit, je me relève brusquement, avec un flash vraiment qui vient de derrière les dernières galaxies, et je commence à écrire un texte intitulé « Je veux vivre ». Et ça, c'est un texte qui a vraiment été un moment... déclencheur dans mon parcours où j'ai quitté l'idée de devoir mourir. Bah, tout le monde doit mourir, mais moi, je n'avais pas envie de mourir tout de suite. Et où toutes mes cellules et mon regard se dirigeaient vers la lumière et vers la vie. Si tu permets, je te le lis. C'est un texte qui pour moi signifie beaucoup. Je veux vivre. Est-ce que l'oreille de Dieu peut capter mon cri ? Je veux vivre. Est-ce que l'univers peut intégrer le ronronnement de mes paroles dans la musique des sphères qui sous-tend la mécanique céleste ? Dans cette toile énergétique très fine qui s'adapte continuellement aux aspirations et aux actes des humains, et qui tient tout l'univers ensemble. Je veux vivre. Est-ce que mon cœur se tourne sans réticence et d'un mouvement bien décidé, tout comme un tournesol, vers la lumière de la vie ? C'est en effet ce qui se passe maintenant, parce que je veux vivre. Mon invocation s'adresse aussi à toi, mon âme. La quintessence éveillée que tu es peut tisser des filaments lumineux autour de ce centre rayonnant et former ainsi un nouveau corps qui me permettra de continuer à être au service de la vie. N'hésite pas, toi, mon esprit, ma conscience profonde, à accepter cette balle que je viens de frapper dans ce jeu de tennis entre la vie et la mort en cours. Elle est bel et bien restée entre les lignes, je te l'affirme. Je veux vivre, pas pour ouvrir une bonbonnerie pour un goinfre égo, pas pour accaparer ce qui ne m'appartiendrait pas, mais pour pouvoir chanter silencieusement comme le font les fleurs et les arbres à chaque printemps. La beauté de la vie, la gloire de Dieu, je ne sais pas trop comment nommer cette merveille. Peu importe d'ailleurs. Je veux vivre. Entendez et exaucez cette prière, ma prière, et permettez à toutes mes cellules de se régénérer, que ce cadeau de chaque inspire qui succède à l'expire puisse continuer encore un nombre innombrable de fois, et ceci à la grande joie de nous tous sur cette belle planète bleue que j'aime tant. Ah, Franz, t'as les larmes aux yeux, tu pleures. Oui, parce que c'est des paroles qui ne m'appartiennent pas et qui sont passées à travers mes doigts et que je trouve juste parce que, en fait, on est là pour rien d'autre que pour louer la vie, la beauté de la vie et pour découvrir la cohérence qui existe partout. Dans le monde des plantes, des animaux, des êtres humains, des galaxies. Une cohérence qui est merveilleuse et qui, pour moi, est de la nature de l'amour. Est-ce que tu serais d'accord de dire aussi, ben, la vie, maintenant c'est facile parce que moi je suis pas malade, moi voilà, je sais pas ce que c'est un peu cet état, je suppose que ça doit vraiment pas être marrant, surtout quand on a mal, hein, qu'on sent que ça va pas, qu'on souffre quoi, je pense que tu souffres, tu as mal, tu n'es pas bien, non? Oui, ben, moi je pense toujours, Graciela, à toutes ces personnes qui souffrent de cancer. Quel fléau dans notre société. C'est incroyable. Et je me dis, moi je sais ce que c'est, parce que tu es fatigué du matin au soir, tu dors toute la journée et tu es toujours fatigué. Il y a des manquements dans le corps, tu es mal à l'aise, etc. Moi qui étais tellement dynamique, je suis cloué au fauteuil et au lit, je ne peux rien faire. Et je pense alors à toutes ces personnes qui souffrent et qui en même temps parfois doivent encore s'occuper des enfants, faire des achats pour la nourriture. Moi, je suis soigné par ma sœur et son mari, donc c'est comme un roi. Mais partout, tu te promènes dans les hôpitaux, tu regardes les statistiques, tu vois que c'est... Mais c'est incompréhensible que cette présence du cancer dans nos sociétés. Incompréhensible, ça veut dire quoi? Qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça fait là? Alors qu'il y a quand même des petites réponses, quand même, hein, non? Le cancer, c'est parce que... Enfin, moi, j'ai vaguement regardé, le cancer, c'est la pollution, c'est la bouffe dégueulasse, c'est toutes ces choses-là, non? Ça fait aussi partie de ça, le cancer? Bien sûr. Mais on en parle peu, non? Oui, ben, on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. Il y a tout ce que tu as énuméré. Il y a aussi l'état d'esprit qui joue très fort et qui peut rendre malade les gens ou qui peut amener des paquets de cellules à devenir fous et à se reproduire d'une manière malsaine. Donc, il y a tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Une analyse de la société, tout le monde, tous les gens qui sont sains d'esprit connaissent très bien la société dans laquelle nous vivons. Le succès du film Demain, par exemple, le prouve. Il y a assez de gens qui choisissent maintenant une autre vie alternative et à tous les niveaux. Mais c'est quand même pas la majorité, tout ça. Tu vois, c'est sûr qu'il y a dans l'air du temps des choses qui bougent, mais depuis le temps aussi, tu vois, il serait temps qu'on... Moi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas pour... Mais de toute façon, on va dans le mur, quoi, ça me semble clair. Je veux dire, même quand tu écoutes la politique aujourd'hui, il n'y a pas, tu sais, un revirement à 360 degrés pour faire autre chose. C'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie. Mais bon, ça, c'est... Ça dépend. Même dans ma situation, je reste assez positif. Et je me dis, une personne ou une famille qui s'organise pour vraiment sauver la pureté, à tous les niveaux, que ce soit la nourriture ou les relations, etc., et à préserver l'essentiel, c'est déjà ça de gagner. Ah, parce que toutes les révolutions commencent par des individus. Mais évidemment, de toute façon, on n'a pas le choix, quelque part, de continuer à faire ce à quoi on croit, tu vois. Mais je veux dire, ça c'est individuellement, et même dans un petit collectif. Mais moi, je parle vraiment à grande échelle. Je veux dire, tu regardes la nature, elle est en colère. Enfin, la Terre, elle n'en peut plus, ça me semble évident, tu vois, à force de puiser, voilà. Mais moi, je reste positive parce qu'il n'y a pas le choix, tu vois ce que je veux dire. Mais j'avais envie de te poser une question, Franz. Tu crois qu'on est... Enfin, je veux dire, le cancer, il est là, il est autour de nous, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on mange, dans... Enfin, hein, tu l'as chopé, bah, quelque part, pour pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tout... Tout n'a pas... tout n'est pas logique et tout n'est pas, tout n'est pas logique. Il n'y a pas à chaque fois une cause. Et puis, la cause, en fait, c'est parce que ceci ou ce... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais c'est comme dit l'oncologue, personne ne choisit le cancer et personne ne mérite le cancer. Donc, il te tombe dessus. Mais quand tu creuses les choses, tu trouve quand même, comme je parlais de la logique, de ce qui m'arrive dans le parcours de ma vie. Donc d'abord, le succès à tout point de vue, dans toutes les actions, la publication de livres, etc. Puis les problèmes cardiaques, et puis ceci. Moi, je me dis, j'apprends beaucoup. J'apprends vraiment, vraiment beaucoup. Et des choses que je n'aurais jamais vues de mes yeux, senties de mon corps, si j'étais resté l'homme à succès d'avant. Donc, ce n'est pas qu'on espère tomber malade pour pouvoir progresser dans la vie, mais inversement, en tout cas, je le vis comme ça. Ce qui m'est arrivé n'est pas, je ne l'ai pas chopé comme ça. C'est vraiment, comme dit Thierry Janssen dans son livre, La maladie a-t-elle un sens? Eh bien oui, eh bien oui. Et pour moi, le sens, c'est un cadeau tellement précieux que j'espère pouvoir retrouver ma force et... en témoigner. Ça va? Et quoi, et avec cette force retrouvée, qu'est-ce que tu aurais encore envie de faire, en fait? Quels sont tes rêves, tes projets, là? De quoi tu aurais encore envie, là? Mais j'ai bien envie de publier une toute petite anthologie avec des petits textes encadrés comme ça, intitulés « Murmurer avec la mort et la vie » et le sous-titre « La découverte du diamant ». Comme ça, on en fait une petite histoire d'aventure, quoi. Comme si on était des chevaliers du Graal en train de chercher quelque chose de précieux. Et donc... basé sur les textes de ma rubrique sur mon timeline de Facebook, illustré aussi. Bon, il y a déjà un éditeur qui est intéressé, mais bon, on verra. Ça, c'est une chose. Et puis, j'aimerais bien continuer de temps à autre à traduire les enseignements des lamas tibétains à l'Institut tibétain, du tibétain en français et en néerlandais, parce que je sais que ça aide beaucoup de gens, et parce que j'aime bien faire ça. Et parce que ça a permis à des milliers de personnes jusqu'à présent de découvrir la sagesse du bouddhisme. Et donc c'est ma petite contribution à un peu plus d'harmonie dans le monde, quoi. Et puis, simplement de rayonner dans la vie quotidienne, oui, comme une petite fleur de printemps, quoi. Mais ouais, et en même temps, j'aurais envie de dire, je sais que c'est peut-être bizarre, mais la mort fait partie de la vie. Hein. À un moment donné, ça s'arrête. Et évidemment, pas comme toi. Hein, bon, oui, il y a certaines personnes qui attrapent le cancer, oui. Voilà, toi, ça t'arrive. Mais... la mort fait partie de la vie, à un moment donné ça s'arrête, et j'ai l'impression aussi qu'on est dans une société où on a du mal avec, je ne sais pas comment toi tu vois ça, comment ce rapport où bah, tu as déjà une vie, tu n'as pas envie de mourir, tu l'as dit, tu veux vivre, mais comment tu vois cette mort? Comment tu vois la mort? Comment ça te parle? Est-ce que tu... Oui, tu n'as pas envie, c'est sûr. Il y a maître vietnamien qui dit que la mort est un clin d'œil entre la vie et la suite. Et Je pense vraiment que si on fait un bon travail au niveau de la préparation à la mort, que les choses se passent de manière très fluide et qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il ne faut pas rejeter non plus. Qu'on peut, bah, j'ai publié un livre, La mort, une compagne pour la vie, qu'on peut vraiment l'accueillir et se rendre compte que, en effet, puisque tout fleurit et disparaît par la suite, la saison suivante, pourquoi pas notre corps? La grande question est, que se passe-t-il avec l'esprit? Ça, je trouve que c'est les recherches les plus importantes et les plus intéressantes et passionnantes dans tout le cluster des sciences cognitives et de la neurobiologie, c'est d'aller découvrir quelles sont les qualités de l'esprit. Et est-ce que il s'agit d'une entité éternelle qui ne disparaît pas, ou est-ce qu'elle est complètement liée aux fonctions cérébrales, et donc est-ce qu'elle disparaît au moment de la mort? C'est une grande question. Et dans certaines traditions ancestrales, on y a déjà répondu depuis 3000 ans. Ah ouais, qu'est-ce qu'on dit? On dit que il faut pas avoir peur, que l'esprit fait partie d'une étincelle inextinguible et éternelle que nous avons en nous depuis notre naissance, et que si on se concentre sur cette étincelle, que on fait partie des danses des galaxies jusqu'à la fin des temps. Et voilà. Mais bon, ça c'est très difficile à accepter pour la science matérialiste et pour les religions occidentales. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de difficultés à envisager quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est pour cette raison qu'on veut un début à tout, un Dieu qui a commencé à créer l'univers, ou un Big Bang. Comme ça, on est à l'aise et on sait quel est le début. Mais si on utilise la formule comique qui est utilisée dans les traditions orientales, depuis des temps sans commencement, c'est la panique. C'est la panique parce que on se dit qu'est-ce qu'on doit faire avec cette formule. Et pourtant, c'est probablement la vérité. Ben, on arrive... un peu à la fin. Je ne sais pas si tu as des choses importantes à dire que moi, je n'aurais pas aidé à soulever, quoi, comme question. Est-ce que tu vois des choses importantes à dire? Mais non, on a passé un bon moment ensemble. Et je pense que, voilà, j'ai pu m'exprimer et je ne suis plus dans l'état de faire de grandes déclarations. Si ce n'est que le fait de ne jamais perdre confiance dans la force de l'esprit, et que si on voit que de plus en plus de livres sont publiés sous le titre « Prenez votre santé entre vos mains » ou « La plus grande pharmacie, c'est votre corps », etc., c'est juste. Et on peut vraiment avoir confiance dans tout ce qui est à notre disposition. Et si cette confiance est là, eh ben on peut déplacer des montagnes et on peut surtout garder une joie de vivre aussi. Donc, moi je suis très content que le sourire ne disparaisse pas de mon visage. Ben, moi aussi, je suis contente que de quand même. Hein. Bon, ben, à bientôt. À bientôt, oui. J'avais dit à l'oncologue, zut alors, après avoir eu de bonnes nouvelles sur le progrès de la première série de traitements, j'avais dit, je viens d'acheter un calendrier 2018, il m'a dit, ben, écoutez, on va essayer d'avoir toute cette année hein, ensemble et peut-être encore une année en plus. Donc c'est chouette, c'est déjà une belle perspective différente de ces premières paroles que j'ai entendues. Oui, de 3 mois, il te restait 3 mois à vivre, quoi. Oui, oui. C'est dingue quand même de dire ça. Oui, c'est, ils se sentent obligés de le dire, souvent d'une manière un peu crue, sans se rendre compte ce que ça donne, ce coup de marteau sur la tête. Moi, j'ai eu besoin de 2 semaines pour retrouver mon équilibre et savoir où et comment intégrer cette parole. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du langage, ça fait partie de l'approche aussi, ça fait partie des convictions, et on pense qu'on a dit toute la vérité. Ben oui, je pense à la maladie, là, j'imagine. Est-ce que tu es fâché aussi sur ce terme, ce mot « cancer », ça y est, ça tombe. Cancer, comme je le disais, comme on a déjà échangé, c'est quand même une maladie... vachement de notre époque, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens d'un certain âge meurent tous comme des mouches avec ce mot « cancer ». Est-ce que ça... Est-ce qu'on est... Alors que tu as une vie... Enfin, tu vois que tu es à la recherche, que tu te poses des questions, tu essayes de manger convenablement. Est-ce que tu n'es pas un peu fâché aussi sur ce mot « cancer » qui tombe ? Parce que toi, ce que j'ai entendu, c'est que depuis le début de notre rencontre, tu as l'air de dire « ah oui, mais ça a un sens que j'ai ce cancer et c'est pas pour rien ». Sûrement, peut-être, mais il y a quand même une chimie voilà, qui est là, qui est dégueulasse, que tu as attrapée, parce que peut-être on vit dans une société qui est dégueulasse aussi, tu vois, qui crée plein de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, en fait. C'est un phénomène destructeur qui illustre très, très bien toutes les tendances destructrices qui sont là dans notre société, que ce soit les grandes, que ce soit l'industrie pharmaceutique ou les grandes entreprises multinationales qui n'ont rien d'autre en vue que leur propre profit. Et ceci, même si des gens... tombent comme des mouches, comme tu dis, ou vivent dans des situations invraisemblables pour travailler. Il suffit d'aller voir les camps de travail en Chine, au Cambodge, etc. C'est évident. Donc le cancer incarne tout cela. Mais ça n'a aucun sens de faire la guerre à la guerre et de se fâcher. La seule solution, c'est de vraiment soutenir toutes les initiatives qui permettent de carrément tourner le dos à cette société mortifère et à regarder ce qu'on peut sauver encore en soi-même et dans la nature et dans les relations avec nos proches. Il ne faut pas chercher très loin, il ne faut pas crier pour la paix dans des manifestations. Si on est en conflit avec ses proches, donc il y a du travail à faire, chacun a du travail à faire dans son environnement direct. Et moi je me dis, il y a beaucoup de choses à faire et qui sont constructives et qui préparent une autre société. Est-ce qu'elle va voir le jour? On ne sait pas, mais en tout cas, on n'a pas le choix. Et donc, moi, je sais que c'est très destructeur, tout ce qui est le résultat de cette maladie infernale. Mais en même temps, je ne dis pas, comme tu suggères, oui, France est là en se disant la maladie a un sens, etc. Ce n'est pas aussi extrême que cela. Je dis juste que, a posteriori, en analysant ce qui se passe et la poursuite des événements, que je peux intégrer cette maladie, je peux l'accueillir, je peux l'accepter. Et c'est en acceptant cette maladie plutôt qu'en se révoltant qu'on guérit plus facilement. Et donc, au lieu de se fâcher, personnellement, je sais que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'avoir accepté la chimio et d'avoir accepté cette maladie qui, bien sûr, on ne veut pas, mais dont on se dit, ok, elle est là, elle fait partie de mon corps et elle atteint mon esprit et je la considère comme une partie de mon destin, une partie de mon parcours et je vais en faire quelque chose de constructif. Et donc, c'est comme ça. Merci, Franz. Merci à toi. Merci à toi et bonne continuation aussi, hein, Graciela.